Pour terminer, les jeunes séminaristes de Pabre chantent trois cantiques, Mossi avec le Tantum Ergo, pendant le salut du Saint-Sacrement. Yeah. Nimbanda.